nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hent ar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou ar Vuhé, l'émission 427. Perran 16 d'Ou Warnugan. Oh, non. Je suis à côté de la plaque. Perran a 16 Warnugan. Tu veux prendre de l'avance. Non, 427. Alors, quel mot vaut aujourd'hui, Henri? Alors, aujourd'hui, j'avais l'intention de parler d'un verbe qui est Touzan. Alors, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est un article qui est paru dans le numéro 467 du journal IA. Donc, c'est un article en gallo qui est fait par Régis Offray. Régis Offray, c'est un galaisan qui écrit dans IA régulièrement, qui est l'auteur d'un dictionnaire du gallo, hein, le Petit Matau, et d'une grammaire du gallo aussi, qui est Chapi-Chapiaou. Et donc il parle du verbe touser en gallo, puisque en breton c'est touzan et en gallo c'est touser. Et justement, quand on entend des contes en gallo, on a souvent ça, hein, ce verbe touser, hein, par exemple pour les moutons, hein, et c'est assez amusant puisque en breton c'est touzan, quoi. Alors, en breton, donc, tous, T-O-U-Z, c'est un adjectif qualificatif, hein, qui vient, en fait, du bas latin, en fait, qui était tossare, hein, qui vient de tonsare. Le mot savant, c'est tonsare, puisque ça donnait la tonsure, par exemple, hein, qui est une forme de tonte aussi, quoi, localisée. Voilà. Et donc, c'est passé en breton sous cette forme « tous ». Et alors, donc, « tous » en lui-même se suffit. Hein. Bon, c'est tondu, hein. Mais en fait, on utilise en général, on parle plutôt de « tous », c'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'action. Mmh. Donc, c'est un participe passé, le participe passé de « tous », c'est « tous », donc qui traduit, et ça, c'est assez fréquent, hein, en breton, où on utilise plutôt le participe passé qu'un adjectif, en mettant l'accent sur le fait qu'on a fait cette action. Hein. Par exemple, on va dire « tous des endivet », hein, « les moutons sont tondus ». Voilà. Quand j'étais petit, j'ai souvent entendu parler des « mères tous », les femmes tondues. Mmh. Et je me demandais de quoi il s'agissait. J'ai appris beaucoup plus tard ce que c'était que ces femmes tondues à la Libération. Donc, un épisode assez douloureux de notre histoire. Et donc, tous, hein, voilà. Alors, dans le pays gallo, hein, comme je l'ai dit, on a cette formule. Il y a un proverbe, un dicton qui dit « à l'ascension, tonte et mouton ». Hein, c'est-à-dire qu'on doit tondre les moutons en été, hein, quand ils ne risquent plus de prendre froid, en fait. Donc l'ascension 40 jours après Pâques, ça convient bien pour tondre les moutons, quoi. Voilà. Alors il y a un certain nombre de dérivés de tous, hein, par exemple tous heureux, hein, ou alors on dit tous heureux ou ton ça dure, hein. Donc c'est la tonte, en fait, l'action de tondre, hein. Voilà. Et c'est en même temps le résultat. Alors touzer, hein. Touzer, c'est le tondeur, hein. Mm-hmm. Hein, c'est des fois on voit des concours de tonte, hein, c'est assez impressionnant, hein. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Concours, mais la tonte, oui, j'ai vu. Oui, il y a des concours, hein, de tonte, hein, c'est de rapidité. De rapidité, oui, c'est, et d'efficacité en même temps, quoi. C'est impressionnant comment on dépouille un mouton de sa toison, en fait, hein. Voilà, bah toison encore, hein, c'est encore la même origine. Hein. Voilà. Donc un touzer, hein. Alors didos, qui veut dire non tondu, hein. Mm-hmm. Bien sûr. Hein. Voilà. Alors on a aussi une forme figurée de touzan qui est exploiter quelqu'un, le spolier, quoi, hein, le tondre, en fait, hein, c'est, ça se trouve aussi en français, quoi, hein. Voilà. Et puis, bon, il y a beaucoup d'expressions figurées où on va trouver 12 ans ou le participe passé de 12 ans. Hein. Bon, ben, grême mon temps trop, warren tous eres, hein. Voilà. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Présentez que temps m'attend. Deuxième partie d'émission, présentez que temps m'attend. Oui, alors je me suis inspiré un petit peu de l'actualité là, puisque c'est un, j'avais traité il y a pas mal de temps de ça, j'avais traité le prénom Philippe, hein, qui est Fulup en breton. On dit Philippe aussi, hein, on trouve la forme Philippe, hein, F-I-L-I-P, et mais plus souvent on trouve Fulup. Hein, et je me souviens que j'avais dit que c'était un nom qui était fréquent en Bretagne, en particulier en Bretagne centrale, hein, un nom de famille. Hein. On trouve beaucoup de Philippe. Hein, j'ai même trouvé dans des une fois un Philippe, Fulup. Le pauvre. Hein. Oui, il avait son prénom et son nom. voilà, c'était un des prénoms utilisés et comme le nom était. Voilà, j'ai trouvé Henri aussi. Hein. Voilà. Et alors, donc, oui, je me suis inspiré de l'actualité puisque le roi Juan Carlos a décidé d'abdiquer et il va céder son trône à son fils Felipe en espagnol et qui sera Philippe VI. Mm-hmm. Alors, donc, quand on a un roi comme ça qui s'appelle Philippe VI, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de voir un peu qui était Philippe V. Alors, bah oui. Alors Philippe V était un roi à l'époque, c'était le petit-fils de Louis XIV. Il est né à Versailles d'ailleurs et il a été roi d'Espagne de 1700 à 1746 avec une interruption de 7 mois parce qu'il avait cédé un moment, il avait abdiqué aussi et il avait laissé céder son trône à son fils qui est mort 7 mois après. Donc il a repris son trône après quoi. Il a régné deux fois. Voilà. Et alors Quand on regarde dans un dictionnaire d'histoire le mot Philippe, le nom Philippe, on en trouve des tas de rois dans tous les pays d'Europe. Hein. C'est un nom extrêmement répandu chez les souverains. Du fait que ça renvoyait à Philippe. Alors Philippe, c'est un mot grec hein, qui veut dire celui qui aime les chevaux. Et donc ça renvoie à Philippe de Macédoine, qui était le père d'Alexandre le Grand, et donc qui a beaucoup marqué l'histoire antique. Hein, on parle des Philippiques, par exemple, qui étaient les discours de Démosthène contre Philippe de Macédoine, parce qu'il craignait que Philippe de Macédoine n'annexe tous les pays de l'époque hellénique. Hein. En fait, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est pas lui, mais son fils, Alexandre le Grand. Et donc, ça a beaucoup marqué l'histoire. Alors, il y a eu, par exemple, beaucoup de rois hein, en France, quelques-uns en France, quelques-uns en Espagne, et un petit peu partout, qui s'appelaient Philippe, comme ça. Voilà. Alors, en Bretagne, le nom de famille est extrêmement répandu. Hein. Je ne vais pas citer des gens qui s'appellent Philippe. Hein, ça nous vient tous à l'esprit. Il y en a beaucoup par ici. Voilà, on les salue. Hein. Et puis, il y a une habitude aussi en Bretagne, donc, qui est de considérer un nom propre un peu comme un nom commun, et on va dire vulupet, c'est-à-dire les gens de la famille Philippe, quoi. Il y avait autrefois à Carléon, il y avait un personnage qui s'appelait Louis Vulupe, dont j'ai entendu parler quand j'étais gamin dans les contes, hein. Il y a plein d'histoires sur Louis Vulupe, et en particulier quand il était à l'époque de Louis-Philippe, hein, justement, qui était roi de France, on disait « Daourou et Zobavrans, Zonande, Bapari, Zonande, Bacarléon, Louis-Vulu, Benyodou, Agancé, de la Ranquegou. » Donc les deux rois s'appelaient, il y en avait un à Paris et un à Carléon, et les deux s'appelaient Louis-Philippe, quoi. Et on disait aussi que quand Louis-Philippe a été renversé de son trône, donc en 1848, à Carléon, au contraire, le roi est resté sur le sien, quoi. Voilà. Et alors, curieusement, j'ai dit, il y a ce pluriel hein, de nom de famille hein, qu'on trouve pas du tout en français, mais en breton, ça se fait pas mal. Et Philippe, ça désigne aussi les moineaux, quoi. Les moineaux, je sais pas s'il y a un rapport entre les Philippes et les moineaux, mais enfin, on dit Philippe, hein. Voilà. Et il y a même un verbe, philippate, qui veut dire piailler, quoi. Et bien, sur ce gazouillis, on va s'arrêter. Merci Henri, on passe à la troisième partie d'émission. Troisième partie d'émission, Petra zo neve ar vro eri. Kaz e draou zo neve ar vro pou ar vej di ouzan. Krogom de diantan vel kustum gant ala bourdouar hag e vu e war ar mez. O nan deus un trevad ou en goun le zo e breiz e e nitu, pe guiniz du, e blas o velar de nitu, e lerel, velar de guiniz du. Hag e boe meurs de ouvildik zo Pesvelard de NIGP, hein, des indications géographiques, Videnitu, Breiz, Galag Velard, Zé, blé noir traditionnel de Bretagne. Tradition Bretagne. Hag Wardro Permilton, Vegret, hein, de Zenitus, Bepla, Breiz. Bon, digas ve bleut de Zlerhel, hein, de Zbrochina, de Zmanchourie, de Zlerhel, mais me mestra Vegret, Permilton, Breiz. Hag matrezen ve febe l'on trava de, quand muor itu, puis vide, vidor pis ve gret en mort. Gantan, bleut à Krampouz, à Bobsort Trou. Bafi ne misme, wabed, bazambrieg, salon, sterali, velbepla, agaz, zobed, calzedud, hein, calzedud, à calzelonde, hein, il va juste, et vel kiz accustum. A brément, vecom, ze roast, de ze salon spas, hein, vo, ba, mis gwengol, ou ba, raun, hein, ba, mis gwengol, mais de se, vo, hat com, ze ben a hana. Dans vraiment un temps, voir d'acheneur politique et res. Deux heures votadeg ou vite bro Europa, ne meus que roi de l'art calze dra, et vel juste vel tout d'un démocrate dont bête dipite, d'un, gwel de, or vos un du, au les dents la divante, le pays mante, le tientan, war evro hal, drevras. Mais dis seulement qu'on, que, comme se fait calze remar et mande ze, Had Froma dur un tiriadou, réforme territoriale, hag bon, comme je zobet de ce bubsort trou, là où avige bestag et breis gant Broeliger, Atlant, Broeliger, hein, pesvela pays de Loire, in galak, là où zo avige bestag et bronan ou net de ce poitou charan, de bubsort trou, bon, bénéfine, zobelar ne vaut que change de breis, vous grand chomo grand velment grand père département ag ne vaut que staget bro hat staget bro nonet de brise ag vel juste calz duds au dipit ganzi puis dur bonne bretonne des vel juste calz de breton de bop de jon je vais faire bid on drava rat zivel brise veloir rog pétin puis on babla au nom de hugen ou abedi staget Mildohan, au nom de Hugen. Bon, gwellet vos pesamo de vos comptes l'arso, mames, matrezen vos hat gwellet en trasé, puis dur, halfe bronaunet, votant vie de, vous drastag de vreis. Ou anke pesamo de vos comptes, j'aurai vos cales heureuses, bah, rogue, vos grès en trou. Bon, dans mon temps, n'a rien noir d'ache en zévenadur, bon, cales drogzo, en mar et mon, vie de zévenadur. Ne ce que quoi le belzo, pas de, une douze ans de mise mai, ou à redadec, évident brésonec, ag, lanceneuse de ce montourles, dont bétagron, le grand ober, 1050 km. Ag, bon, calz obligea d'urzobé, tram de mâle d'y en trop, mimes bépligea d'ur bon peu de gouel de redadec, au tram en babour purut, dont de zandigou de la ronde de Dremalgat. À Waller, bah, Rostren, à Gebon, puis au Héru, bah, Gronvel, Veljus, ou à Zonerien, au Rotas, hein, puis tu vois, Gwell, André, Jeune Gaul, à Gals, Obligade, ou à Meskendud, à Bon, Zizon Dravad, vite en Brazon, hein, dis qui, nomme que Martre, ouas, à Zon Moyen d'Or, Trau, vite en Brazon, donc. Bon, qu'on aura un, comme Zoran, jugement, de ce, deux un Gwelendrugen Gaul blanc me wa calze dut hein ba Gwelendrugen Gaul ag bon blanc me zorent de inor zo inor de Yassin Guégan puis dur Yassin Guégan zo rendre en mort grand tout de son derrière hein ag en calze dut hendel ag neus degla perugen blanc ag degla trugen zo mon son dans le clarinetten a bop de zon la matrée hein bon, zone neus vide Roncourt, de Zul de Beur, et grand Tristan de Gloagin, hag, bon, du loi, gaezé, bras ou tri, gwel, Yacinthe au son, droit, tien couls vel gogel, hag, bon, sais-tu, pesso, roise de l'art, Edouardzé, Yacinthe Grégan, zone d'Ain, hag, blichetant, truscas de Rayon, pesoir, un tonio nique de nom un den de vire ou de vitan pesoir. C'est une bonne larme salut ton m'avait fait bête au chilo puis ton m'a dû de al fait l'artan zo bécom de te sang. Il y a sainte oie de ce grand de bas plonde décapérugue de l'assaut. Ag ivre de zone hein tout d'une jonge je roi bavre de Félix à job wegan hein zone rien en par doire war glarinette noir en accordéon à war bub centro pion de comes de zevina du renvro jusmad zo zo calz bladé nous avait avait une bande de bromo vel bopet hein goscoudé wa babrohal bez ne peut-être calz bladeno mais de alors bladeno ve im bonnen mais l'homme ba breis zo calz ndl wa ba balarion wa gador feznons vid pladen lon de fal a pladen der strola neve leis azo be calz dud hein ag d'une gale de prenon er pladeno ze azur clève hein war ar kabe ve clède er pladeno ze Hendel me sclève de Yasoa Xibéril, ne sgrède au nom, hong ne dick, puis on ne s'y a gré no a rog, zir, no a go nom, zir a dick. Ag un triant, me zang ne zo laboura d'or, au blad en el, gwelorit zo, zo kaj dud hor, tro e bub sort. Peve kom se deus ur brezon, ag, bon, ve kom se deus tro ou bras, vel, vel ar edad hag, met tro el zo, hein, da skouer ba rostren zo be hanved ur plard de skuzul ur barous, evit ober war dro ur brezon hag, hein, e Cécil Lefren, zo be de dilen de vid ur votade goudiouz an aze, hag zo karg de zo brezon hag ba rostren, hag bon ze zo an dravad evel just o ze blanmad vid ur brezon hag. Bon, c'est tu jonge à l'ordre, même gagne un temps trop, ou à pessonner vers vro. Ah, c'est tu là, en d'art, tiens leur végèle, chilo, et rien. RKB. Bien, ouais, j'ai les riz.